Thank you. Thank you. Elle s'appelle Nouvelle 1. what's that noise I heard again? Was that my hands trying to smash all the spiders around my ears? We'll be right back. Merci. Encore une nouvelle chanson. Moi, c'est le plus prochain qui est là. C'est un peu une... tout, mais est-ce que tu pourrais me mettre un brin de guitare de la mienne dans mon... Ça s'appelle Brest 2. On est pas pour toi. Oh! Thank you.